quelques habitants d'un tout petit village. L'appelait simplement le fils du charpentier. Il changea l'eau en vin au cours d'un mariage. Comme un premier message aux yeux du monde entier, son nom était Jésus, il faisait des miracles. Des centaines l'ont vu et ont repris espoir. Son nom était Jésus et son premier miracle, c'est de remplir d'amour nos vies et notre histoire. Une poignée de pêcheurs devenus ses amis le suivaient pas à pas sur la voie des prophètes. Mais qu'il est difficile de faire comme lui quand il marche sur l'eau et calme la tempête. Son nom était Jésus, il faisait des miracles. Des centaines l'ont vu et ont repris espoir. Son nom était Jésus et son premier miracle, c'est de remplir d'amour nos vies et notre histoire. Il croisa un aveugle sur le bord du chemin. Un de ces moins que rien, abandonné des hommes. Il lui ouvrit les yeux et le prit par la main, rappelant à chacun qu'il n'oubliait personne. Son nom était Jésus, il faisait des miracles. Des centaines l'ont vu et ont repris espoir. Son nom était Jésus et son premier miracle, c'est de remplir d'amour nos vies et notre histoire. Les foules l'écoutaient et proclamaient son nom. Mais il fallait nourrir ces pauvres sans argent. Alors multipliant les pains et les poissons, il soulagea la faim de ces milliers de gens. Son nom était Jésus, il faisait des miracles. Des centaines l'ont vu et ont repris espoir. Son nom était Jésus et son premier miracle, c'est de remplir d'amour nos vies et notre histoire. Son nom était Jésus, il faisait des miracles et des millions ont cru sans entendre ni voir. Son nom était Jésus et son plus beau miracle, c'est de remplir d'amour ta vie et ton histoire.